Asubuhi ya leo tunasalimia watakatifu mujina la Yesu Kristo. Amen. Ce matin, nous saluons tous les saints au nom de Jésus Christ. Bwana Mungu wa kumbingu abariki kila mmoja. Que le Dieu du ciel puisse bénir tout le monde. Niko na mupikia Mungu wetu asante sana. Je remercie notre Dieu. Kwa vile aliweza kutulinda muda yote tulikuwa hapa. Qui nous a protégé pendant tout ce temps qu'on a passé ensemble. Kwa ndalikasi tunarudia Mungu alituchunga sain et sauf. On faisait des navettes, Likasi, Kambo, Dieu nous a gardés. Jina lake lisifiwe sana. Que son nom soit loué. Chaque déplacement c'est un risque. Safari yote ni hatari. Bote wale wanatokaka bafikake. Tous ceux qui quittent n'arrivent pas. Kama anaweza kutuchunga ni kwa huruma yake. Si il nous a gardé, c'est par sa miséricorde. Na zaidi kama kazi hayamalizika. Et beaucoup plus si nous n'avons pas encore achevé l'œuvre. Kama Mungu anaisha. Parce que si Dieu termine, achève avec nous. Ata u voyager huko mukichi. Même si tu ne voyages pas, tu es dans le fauteuil. Asema ushimame unaanguka sema no arrêt cardiaque. Essaie de te tenir debout, tu tombes, on dit arrêt cardiaque. Pourquoi tu n'apasha kushukuru Mungu kwa yote kwa tutendea. Nous devons remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Atupite bale banakufa. Nous ne sommes pas plus spéciaux envers ceux qui sont en prison. Même ceux qui sont en prison. Ne sont pas plus spéciaux puisque ceux qui sont dans les hôpitaux. C'est la miséricorde de Dieu seulement. Merci à notre ancien. Ainsi que tous les serviteurs pour leur encouragement. Que Dieu vous bénisse richement. Nous saluons ceux qui nous suivent aussi à l'internet au nom de Jésus Christ. Et aussi que Dieu le bénisse. Nous allons arrêter aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et on ne saura pas récapituler tout ce que nous avons dit au cours de la semaine. Le temps ne peut pas nous permettre. Recevez les salutations de notre, des serviteurs de Dieu Jean Guélican, de Kasumbale Sadouane, na ndugu yetu Ferdinand Kabongo, frère Ferdinand Kabongo, ndugu yetu Jean-Jacques Kamwashi, notre frère Jean-Jacques Kamwashi, ndugu yetu Jean Kapima, notre frère Jean Kapima, ndugu yetu Kazumba Barnaba, notre frère Kazumba Barnaba, ndugu yetu Lumami Tarsis, et le frère Lumami Taxis. Barinilomba nimisalimie mujina la Yesu Kristo. Mon chargé de vous saluer dans le nom de Jésus Christ. Est-ce que tu as furahi asubuhi? Nous sommes nous dans la joie ce matin. Vont nous lever. Ouvrons nos Bibles. Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel kumnamnani. Njopale tulianzia na njopale tutaishia. C'est là où nous avons commencé et c'est là que nous allons terminer. Verset 31 à 32. Musaike makumita tunamoja, makumita tunambiri. Kaziza. Kono ya azewe eze kukomo ata atani ngele sana nako nako tena kazi ye. Nous bénissons ton nom. Et disons merci, notre Dieu. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce qu'il y a un jour que tu es mort à la croix de Golgotha. Tu avais versé ton sang. Tu as livré ta vie. Sauver ton peuple. Et nous sommes parmi les gens que tu as sauvés. Tu sommes le troupeau de ton pâturage. Tes élus, c'est nous ici. Et nous sommes ici parce que tu es mort. Merci, bien-aimé. Ce que nous voulons ce matin, en nous n'avons rien de bon. Nous voulons que toi tu nous viennes en aide. Que nous puissions être comme l'argile. C'est toi le potier. Accepte la forme que tu voudras. Parce qu'en sortant d'ici, nous ne sommes pas allés dans la maison de Dieu. Dieu a parlé à nos cœurs. Seigneur, ne laisse pas un pécheur quitter ici sans être sauvé. Notre Dieu, ne laisse pas le malade qui est entré ici sortir malade. Père, ne laisse pas celui qui est entré triste quitter avec sa tristesse. Nous tous, nous sommes devant toi et nous avons besoin de ton secours. Bénis chaque frère et chaque sœur. Et ceux qui nous suivent à l'internet. Accepte de le bénir aussi. Bénis notre serviteur qui est loin de notre pays. Bénis l'ancien qui est resté avec la charge de l'église. Bénis le diacre. Bénis les administrateurs. Bénis notre chorale. Bénis chaque frère. Et bénis chaque sœur aussi. Les sœurs qui torchent dans l'église, qui torchent dans les toilettes, pour tous qui sont en train de faire, Dieu accède de venir chacun d'eux. Toi, tu n'es jamais redevable. Si celui qui paye très bien, c'est toi. C'est pourquoi ma case et mikono yetu, nos activités ne paient pas nous sauver. Celui qui sauve, c'est toi. Accepte de nous bénir, Bwana. Du début jusqu'à la fin. Que tu puisses dominer cet assemblement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Restons debout. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mouriez-vous, maison d'Israël? Ici, nous ne sommes pas en Israël. Nous sommes à Kambove. Pourquoi mouriez-vous, l'église de Kambove? Le Seigneur dit, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Dit le Seigneur l'Éternel. Mais convertissez-vous donc. Et vivez. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous sommes en train de parler sur un cœur nouveau et un esprit nouveau. La marche de chaque disciple avec le Seigneur. Safari ya kila mukristo pamoja na Bwana. La marche de chaque chrétien avec le Seigneur. Iko naanza na hatua moja. Elle commence avec un seul pas. Katikati ya ile hatua tatu ya neema. Et parmi ces trois pas de la foi. Hatua ya kwanza kila mukristo. Premier pas chaque chrétien. Ule anapasha kwenda kumbingu. Celui qui veut aller au ciel. Anapasha kufanya. Il doit faire le premier pas. Ni kuzalika kwa mara ya pili. C'est la nouvelle naissance. Avoir un cœur, un esprit nouveau, un cœur nouveau, sans ces deux choses, nous ne pouvons même pas parler de la chrétienté. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous suivons l'église? C'est ça le premier pas. Pour commencer la marche avec le Seigneur. Notre premier pas que nous devons faire, c'est avoir d'abord un esprit nouveau, un cœur nouveau. C'est la nouvelle naissance. C'est là que vous avez maintenant la vie de Dieu. C'est là que vous recevez la vie éternelle. C'est là que vous avez le pardon de vos péchés. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tes péchés sont encore là. On est ensemble l'église. Bien-aimés frères et sœurs, il est temps. Il ne suffit pas seulement de dire, aina mamuto kusema, je crois le Seigneur. Minamini Bwana. Cette déclaration, imisemo, elle est vraiment bonne. Ni amuzuri kabisa. Elle a sa place. Una fasi yayo. Mais cela ne suffit mais la, pas. Il a aîné. Est-ce que nous sommes ensemble l'église? Pamoja kanisa. Dire que kusema, je crois le Seigneur. Minamini Bwana. Ça ne suffit pas. Aïené le pali. Je veux vous lire une chose. Dans la prédication, Maubiri, la voie à laquelle Dieu a pourvu. Njia ile Mungu alitayarisha. Le 1er décembre 53. Il y a le 1er décembre 1953. Le point 19, au paragraphe 19. Nous t'as qu'à 19. Écoutez ce que le prophète dit. Puisqu'il y a eu un bien assez. Et alors, Le seul fait d'accepter kuitika tu ne suffit pas. Aene. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et tu n'as pas dit que le fait de dire j'accepte, cela ne suffit pas. Il a étoché qu'il n'y a pas un aïe. Dieu doit confirmer que il vous a aussi accepté. Mungu anapata kuhakikisha vile vile kwamba naye vile vile alikuitikia. Vous savez pourquoi le Seigneur a dit ça? Unajua nijua nini Bwana alisema hivi? Parce que même marabu il peut dire je crois. Jua hata mchawi anaweza kusema naamini na mimi naitikia. Même les prostituées de la rue. Hata kaaba mbalabala. Elle peut aussi dire. Naye vile vile anaweza kusema. Na mie mimi naenda kwa mkanisa. Moi aussi je vais à l'église. Mambo aina ya kwenda mkanisa. Le problème n'est pas d'aller à l'église. Mambo ni ya kukutana na Yesu. C'est de te rencontrer avec Jésus. Oui, chike kufa. Que tu acceptes de mourir. Kutulia. Au monde. Na bujima bwa Mungu. Et que la vie de Dieu. Upate kuonekana. Se manifester. Na kama mtu anakufa bila kweli. Dès qu'elle meurt réellement. Anazali kama le ya pili. Njoo kupata. C'est pour recevoir une nouvelle nature, la nature divine. Na ile asili ya Mungu, et cette nature divine ne peut pas se cacher. Elle doit se manifester. Bile tu kunafuanya, ce que nous faisons, binonesha kile ce qui prouve ce que nous sommes. Mungu atujalie neema kabisa. Que Dieu nous fasse grâce. Minechika. J'accepte. Adiene ya pana. Cela ne suffit pas. Pale Mungu alisema. Quand Dieu l'a dit. Aliyo asema tu na ishi mkizazi kibaya. Nous vivons dans une mauvaise génération. Mkizazi cha budanganyifu wa yulu sana. C'est un âge hypocrite. Kizazi hypocrite. Kizazi cha udanganyifu. Mtu ashina mwenye kokolewa. L'homme qui n'est même pas consommé. Mais il veut se comporter comme quelqu'un qui est déjà sauvé. Kujongoza sa mtu lasha ukolewa. C'est ce qui est grave. Njoo yenye kwa mbaya kabisa. C'est mieux pour toi de rester tel que tu es, sans pour autant être sauvé. Quand tu vas te rencontrer avec Jésus qui est le sauveur, alors tu vas faire de véritables expériences du salut. Plutôt que de faire semblant kulanda, que Dieu nous aide. Voilà pourquoi Branham dit, Eden de Satan, Mumaubiri Eden ya Shetani, paragraphe 16. Nukta 16. Anasema la ruse du diable Shetani wa leo. Il fait croire certaines personnes qu'ils sont sauvés. Eko na aminisha watu kwamba biko benye kukolewa. Alors qu'ils ne sont pas sauvés. Abana ta benye kukolewa. Voilà le problème. Ile njo mambo. Fwa nam di aussi. Dieu doit confirmer qu'il vous a aussi accepté. Anabasha kwa kikisha kwamba naye vile vile anakukubali. Voilà le problème. Tazameni njia hapa njoo peko mambo. Vous pouvez l'accepter. Unawezi kumuitika. Mais. Lakini. Alors. Sasa. À condition que lui aussi. Kanuni ni yeye naye vile vile. Vous acceptez. Apate kukuitikia. Mais lakini, la condition c'est que lui aussi doit vous accepter. Kanuni ni kusema yeye naye vile vile Mungu anapasha kuitikia. Usimamie pale jusqu'à ce qu'il parvienne à vous accepter. Hata afike mkukubali. Et alors, na pale sasa, lorsqu'il vous accepte, wakati anakuitika, il vous scelle dans le royaume de Dieu. Anakutia muhuri mfalme wa Mungu. Frère, kuwa na garantie ya uzima wa milele. Avoir la garantie de la vie éternelle. Ni kuzalika mara ya pili. C'est naître de nouveau. En dehors ya ile, en dehors de cela, hata unakuwa ku chorale unaimba. Que tu sois la chorale, tu chantes. Sauti ya mzuri. La véritable parole, aina la véritable voix. Pana, ce n'est pas une belle voix qui va nous sauver. Bantu mingi beko na jitanga. Beaucoup de gens se trompent aujourd'hui. L'essentiel, c'est d'aller à l'église. Mukanisa vitu cha kuikala. Dans l'église telle que nous sommes assis. Kuko aina ya bantu bote na baba ya biko katika chetu. Il y a tous les types de gens, même les mauvais sont parmi nous. Mais batoto ba Mungu, babi ya kwe. Mais les véritables enfants de Dieu sont ici. Na bana yu asebile tu. Et ils savent que ce que nous disons, c'est la vérité. Mambo aina kuya mukanisa. Le problème n'est pas de venir à l'église. Ba marabu bana kuya. Les marabouts viennent à l'église. Ba mwisho bana kuya. Les voleurs viennent à l'église. Ba ndumba na bobe. Les prostituées viennent aussi. Tushitafuta kupenda kujua mystère ya Mungu. Ne cherchons pas à connaître les mystères ya Mungu, les mystères de Dieu. Sans pour autant être de nouveau. Na ma difficulté tukunayo. Et les difficultés que nous avons, ma gumu tukunayo, ce sont des gens qui ne sont pas encore nés de nouveau. Et ce sont eux qui sont les premiers à commencer des désordres, des troubles dans l'église. Il faut que Dieu nous aide. Na kama mtu anaamini bia kweli. Et si quelqu'un croyait réellement, aina semblant, pas faire semblant de croire, kama anaamini bia kweli, croit réellement, frère Branham sema mambo moyo unafuanya. Ce qu'il doit faire maintenant, c'est couper les ponts qui nous relient au monde. Les affaires du monde restent de l'autre côté. Maintenant tu es dans la lumière. Et Jésus-Christ, c'est lui la véritable lumière. Tu ne pourras jamais écouter des mystères. Tu peux même les connaître. Mais pas chaud nouvelle naissance. Mais sans pour autant naître de nouveau. C'est faux. Il est massir, il est akusaidi. Les mystères ne peuvent pas t'aider. Que Dieu nous aide. Mungu apate kutusaidi. Na njuu ya kuweza kufwa. Et pour mourir. Inafai kuichikia kuenda kufika kwa msalaba. Il faut accepter d'aller à la croix. Frère. Duku. Hapa tutege mashikio kishiki. Prêtons oreille. Bantu mingime kuna sema. Beaucoup de gens disent. Nilifika kwa msalaba. Je suis arrivé à la croix. Yesu ananiokola. Jésus m'a sauvé. Kusema vile ni kizuri sana. Confesser cela, c'est une bonne chose. Mais mushisabu ya kusema. Mais n'oubliez pas que. Sur le mont de Golgotha. Allez pas mulima Golgotha. Il y avait trois croix. Alikuwa kwa msalaba tatu. Il y avait pas seulement une croix. Akukuwa kwa msalaba moja tu. Mais quelle croix as-tu rencontré? Ça, ni msalaba gani ulitanishana nayo? La croix du Seigneur. Musalaba ya Bwana. Quand tu la rencontres. Ukitanishana naye. Il y a l'échange de vie qui se fait. Kuko mabadiliko ya maisha inafanyika. Alléluia. Kuko mabadiliko ya maisha unafanyika kumsalaba. Il y a échange de vie qui s'opère à la croix. Yesu unachikia kubeba kwashi yako. Jésus accepte de prendre ta place. Unakufa pamoja na sadaka yako kumsalaba. Avec ton sacrifice à la croix. Kama vile Abel. Comme Abel. Alikufa na yeye na sadaka yake. Avec son sacrifice à la croix. Hawezi kupeleka sadaka yako. Tu peux pas apporter ton sacrifice à la croix et retourner en vie. Avec ton sacrifice à la croix. Ce n'est pas comme ça. Unapasha kuchikia. Tu dois accepter. Kufa na sadaka yako. Avec ton sacrifice. Pa msalaba wa Yesu. À la croix de Jésus. Musalaba wa Yesu. La croix de Jésus. Dieu veut nous tupatia bushi. C'est ce qui nous donne la vie. Peut-être. Ça zingine. Kama maisha ibadilike. Si ta vie ne change pas. Et que unasema ulifika kwa msalaba. Tu es arrivé à la croix. Peut-être ulienda kwa ile msalaba. Tu es allé à l'autre croix de gauche. Ah, ulienda kwa msalaba ya kutoa. Tu es allé à la croix de droite. Mais msalaba wa Yesu ulikuwa pakati. Mais la croix de Jésus-Christ était au milieu. Dieu ile mambo inatuangalia chez yeye. Ça concerne nous. Bwana Mungu atusaidie sana. Que le Seigneur Dieu nous aide. Ni msalaba kani ulikutana nayo. Tu t'es rencontré avec quelle croix? Tu es toujours la même personne comme tu étais vile venu à la croix. Tu connaissais, c'est ce que tu es jusqu'aujourd'hui. Aina wakati tena frère. Ce n'est plus le temps nduku. Ya kwanza kudiskite. Ya kubishana. Juli ya maopinion. Juli mawazo ya mtu. Juli ya madoktrine. Juli ya mafundisho ya msingi. Apana. Non. O batonerista. O batonerista. Est-ce réellement ont-ils la vie éternelle? Ouais, mambo yako ni toi, ton affaire c'est quoi? Nafsi yako. Que ton âme. Joie n'a pas chaque jour assuré. Doit avoir cette assurance. Si réellement tu t'es aussi rencontré avec Jésus, il t'a donné aussi la vie, ou soit c'est le contraire. Il faut mon gars, il faut que Dieu nous aide. Maintenant, beaucoup de gens ne veulent pas mourir. Pour avoir la vie, il faut que la vieille semence commence par mourir. Si l'ancienne semence meurt, c'est alors que la nouvelle semence va germer. Et la vie de Christ va se manifester. Si c'est le contraire, alors on va faire tout digne. Si nous posons la question ici, combien de gens, je ne veux pas que quiconque lève sa main. Nazani, 99%. Makumitisa ont déjà été baptisés. Et si nous posons encore la question, combien sont-ils réellement nés de nouveau? Chacun de nous a la réponse dans son cœur. Maintenant, écoutez, dans la prédication de Frère Branham, l'âge de l'église d'Éphèse, Kizazi ya kanisa ya Efeso, le paragraphe 153, Luke Tamiyamu wa makumi tano na tatu, anasema, rappelez-vous, il dit, mkumbuke, rappelez-vous bien, kumbukeni mzuri, chaque église, kila kanisa, a ses chrétiens formalistes, iko na bakristu bake, ba inje inje tu, banjina, et il a aussi ses chrétiens spirituels. Na iko vile vile na wakristo wa kiroho. Ce sont des jumeaux. Di bampundu. Il laisse dans chaque réveil. Beko na la mukaka na kuzali kwa mkila wa mso. Et il vivent dans chaque église. Na weko naishi mkila kanisa. Même dans l'église de Jésus. Hata mkanisa ya Yesu. Ils étaient là. Kwa kamo. Et nous, na shie, nous ne sommes pas inimisés contre cela. Shie, a tout ce que mouille mambo, on n'échappe pas à cela. Parmi nous, il y a les enfants de Dieu, des chrétiens spirituels na ba Christo, ba kimwili, et les chrétiens formalistes. Asa, mambo ina kushonta, maintenant, le problème n'est pas de se pointer de toi. Si nous parlons, moi, je m'examine moi-même. Toi aussi, tu dois t'examiner toi-même. Ma sœur doit aussi s'examiner. Parce que chacun portera son propre fardeau devant le Seigneur. Atabeba muziko yake, ye mwenye mbele ya Bwana. Maintenant, écoutez. Ça, ça m'skilise. Je voudrais vous lire dans cette prédication. Napenda kumisoma mwima ubiri. D'abord, la repentance. Kutop. Avant tout. Mbele ya yote ni toba, ni toba. La vie chrétienne commence par la repentance. Un chrétien qui ne se repent pas, sa vie ne peut pas prospérer, ne peut pas changer. Sommes-nous ensemble? Et au courant de la semaine, nous avons expliqué que se repentir, c'est comme un vomissement. Vous êtes en train de vomir. Quelqu'un Mutu, qui était noyé dans la fleur. Il a tellement gobé beaucoup d'eau. Mingi, et le ventre plein. Vimba, yala, vous pouvez le sauver de cette eau-là. Mai, et le mettre sec. Si vous n'intervenez pas, kama amsaidie kwa haraka, il va mourir. Atakufa. Atakufa, mais kutoka mumai. Il va mourir alors qu'il est déjà sorti des eaux. C'est ce qui se passe avec nous qui sommes enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes nés dans le mal. Nous sommes nés dans le péché. On buvait les péchés comme de l'eau. Quoi que nous soyons déjà partis du monde, tu peux mourir étant déjà dans l'église assis sur ton siège si tu ne fais pas attention. Ce qui est, nous est important, c'est quoi? Qu'on puisse nous donner des coups de poing de l'évangile dans nos ventres pour que nous puissions vomir le monde. Quand même nous sommes déjà partis du monde, maintenant vomir le monde, c'est que tout le monde puisse quitter dans nos cœurs, dans nos esprits, et que Christ lui-même puisse vivre en nous. Et dès que Christ commence à vivre, ça ne sera plus une vie cachée. Alléluia. Mon page a que 4. Cartas yaine. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Non, page 6. Cartas yasita. Je le dis peut-être. Na isema sa zingine. Parce que tous. Jubote. Nous voulons être prêts quand le Seigneur reviendra. Tunapenda kwa tayari wakati Bwana atarudiaka. Jo vile kanisa. Est-ce comme ça église? Tunapenda tukue tayari, non? So, nous voulons être prêts. Nous voulons être prêts quand le Seigneur reviendra. Tunapenda kwa tayari wakati Bwana atarudiaka. Nous ne voulons pas seulement avoir baptisé les hommes. Atupende tu kubatiza batu. Non. Apan. Mais. Lakini. Nous voulons voir baptiser les hommes. Tunapenda kisha kubatiza watu. Qui ont expérimenté un véritable brisement du cœur. Tunapenda kubatiza watu wale walionja kabisa bisa kuvunjwa kwa moyo wabo, kuumizwa kwa moyo wabo. Wale walitubu pia pia kweli. Ceux qui se sont repentis sincèrement. Na tulisema ni pas kama maisha kutubu. Ce n'est que la vie de repentance. Joi kuna wazambi mlo ya Mungu. C'est qui tue le péché dans le cœur de l'homme. Amen. Amen. Les hommes qui ont expérimenté un brisement intérieur. Bale onja kutubu kwa kweli mioyo yao na kuvunjika. Ils ont été brisés. Bale baliumizwa ndani ya mioyo yao. Surmonté. Na kudumu. Par l'esprit de Dieu. Kupitia roho ya Mungu. Où tout. Mule diot. A été fondu. Bale biyeyusha. Comme du beurre sous soleil. Sawa beurre kumukuyua. Manteka kuyua. Ah, sawa manteka. Sawa manteka kuyua kujifukutu. Kama mtu anatubu, si quelqu'un se repent, on le prend comme du beurre, on l'expose au soleil, dès que ça se dilue, ça devient comme un liquide, même si vous retournez ça dans la boîte, ça ne peut plus retourner tel que c'était au commencement. Est-ce que vous me suivez, Église? C'est comme ça que la repentance agit dans le cœur de l'homme. Si un chrétien se répand sincèrement, c'est alors qu'il aura droit à Kuimba Kantik le Tunimbak. J'étais ivrogne. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. J'étais commère. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Est-ce que vous pouvez entonner ces cantiques? Chantons d'abord tous. Je suis en train de gérer mon temps. En chantant, je voudrais que tu puisses bien l'écouter. Tu t'es absenté toute la semaine. Aujourd'hui, nous allons bien nous séparer. Que Dieu nous bénisse. Thank you. Yesu aliokoa. Nilikufa kipofu, kipofu sana. Bwana Yesu aliokoa. Oh, kuja kimbe, kuja kimbe. Il n'y a pas une bonne prédication de plus que l'évangile de la croix. Il n'y a pas une bonne expérience qui dépasse l'expérience de la croix. Tout a commencé par la croix. Tu n'as pas commencé à comme ça. Tout ce qui commence en dehors de la croix. Il n'y a pas le soubassement de la vie chrétienne. Abana na msimamo ya maisha ki kristiani. Un jour, siku moja, un homme de Dieu donna son témoignage. Bishwa Mungu akaleta ushuhuda yake. Il est déjà dans la gloire. Ewa katika utukufu. Il dit, akasema, nous sommes allés quelque part. Tulienda fazi moja. Au deuil. Ukilio. On nous a donné tous deux la prédication le même jour. Shibote pakatupatia mahubiri siku moja. Il dit, il est monté le premier. Yeye ndio akapanda wa kwanza kumimbari. Akahubiri, akasema. Il a tellement donné de témoignages. Aleta sana ushuda. Il a beaucoup transpiré. Akatosha yaso mingi. Ensuite il descend. Kisha kashuka. Il va s'asseoir là-bas. Aenda kuikala. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti munanifuata. L'autre qui, au lieu de s'occuper de lui. Mwingine nayo pale akwangakia mambo yake. Pendant que je prêchais. Wakati nilikuwa nahubiri. J'étais en train de penser à mon frère qu'on a dit qu'il va prêcher après moi. Nilikuwa nakumbuka ndugu yangu ule alipasha kuhubiri kisha mie. Parce qu'il est illettré. Juu yeye ana wa kujifunza. Il ne connaît même pas lire la Bible. Asijua hata kusoma Biblia. Même son nom il ne connaît pas. Hata jina yake asiye kuyanjika. Maintenant. Sasa. Son tour est arrivé. Wakati yake akuhubiri na yeye. Il a pris la Bible aussi. Akabeba naye Biblia akapanda kumbari. Quand il monte à la chaire, kisha kupanda mimbari, il dit seulement que Dieu vous bénisse. Akasema tu Mungu amibariki mwe bote. Ce n'est pas beaucoup à vous dire. Sina bia mingi ya kunyonesha. Mais je vais vous donner quand même mon témoignage. Lakini nitampatia kwa ushuhuda yangu. Moi ici que vous voyez. Mimi mnaona hapa. J'étais un brigand. Nilikuwa jambazi. J'étais un grand voleur. Nilikuwa mwizi sana. Un bandit mermé. Jambazi wa kutemba na bunduki. J'étais un coureur de jupons. Nilikuwa msharati sana. Il a énuméré beaucoup de péchés. Akataya mazambi yake mingi. Il dit mais il y a eu un jour. Akasema kwa siku moja. Je suis allé rencontrer cet homme de Galilée. Nenda utanishana huyu mtu wa Galilaya. Quand je l'ai trouvé la croix. Nilimpata msalaba. Il m'a complètement changé. Alibadilisha kabisa. Et après ces courtes prédications. Na kisha ile mushuda tu kidogo ya wakati mkubwa. Manafsi ya mingi kwa kwa Kristo kaamini. Mais celui qui a prêché en premier. Sasa alihubiri wa kwanza. Akasema yeye. J'ai même la honte. Nilipata na haya. La prédication, maubiri, ce n'est pas démontrer comment nous connaissons des situations. Je peux vous dire aussi, j'étais aussi pécheur, mais le jour que j'ai rencontré Christ, il a sauvé ma vie, il a changé ma vie, parcours, na safari yangu, a changé, ikabadilika, namna nanga kutembea. C'est la plus grande prédication. Njoo maubiri mkubwa, aite na vile, frère, nduku. Nous sommes différents de nos enfants qui ont grandi dans l'école de dimanche. Si, tu n'as tiré na batoto yetu wana komalia masoma muyenga. Et ne sont pas passés bo, par le désert. Demandez-nous quand vous utilisez si wakati si tulikuwa kule. C'est par expérience que nous vous le disons. Hii tunaimonesha ni kisha kufanya onjo. Nous avons été dans l'esclavagisme. Tulikuwa mbutumwa. Frère, hakuna kitu kibaya sana kwa mtu. Il y a pas une mauvaise chose comme être esclave. Un esclave. Mbutumwa. Il vit indépendamment de lui. Eko naishi. Mapenzi yake haina nafasi. Bile unafanya parfois wewe na yeye mwenyewe. Fait en lui il est meurtri. Mais il est contraint de le faire. Lakini anakazishwa apate kutenda vile. Binachana na wewe ulikomea. C'est différent avec toi qui a grandi. Unapita directement ku choral. Directement unapita ku tu passes à la chorale. Unapata na ministère. Et tu as même le ministère. Unaanza kuhubiri. Et tu commences même à prêcher. Hatutakuwa pamoja. Nous n'aurons pas la même expérience. Mungu anajua ya kusema. Je sais que les différentes les voies dans lesquelles nous avons marché sont deux et différentes. Et l'homme qui a la grâce de la croix après avoir passé par le désert, donc sa vie doit être différente. Je ne peux pas marcher torse bombé. Je marche avec la honte. Je ne peux même pas qu'on me parle de ce que j'avais fait. Si je m'en souviens moi-même, je rentre encore à la croix. Nous n'avons pas besoin de la connaissance que tu vois. Nous avons besoin d'aller tous à la croix. C'est à la croix où se passe. Vous dites que même ce matin, tu es entré ici avec des mauvaises pensées dans ton cœur. Après que tu sois arrivé à la croix, ces mauvaises pensées-là doivent quitter. C'est Dieu qui fait cela. Il explique en disant, la femme qui a été mariée vierge, c'est que j'ai eu grâce. Mais où l'aritembe mon fils a marché dans la mauvaise vie. Ndumba, une prostituée. Aritembe la babole ba ming. Il a couché avec beaucoup d'hommes. Anakuwa kukutana na sauti ya Mungu. Et vient se rencontrer avec la parole de Dieu. Ina mubadilisha. Ça la change. Frère, maisha yake yote. Toute sa vie. Atatembe ko reconnaissant. Elle doit marcher na shukrani. Devant le Seigneur Jésus. À l'égard de notre Seigneur Jésus Christ. L'homme qui n'a pas pris la boisson, il ne saura pas que la boisson est mauvaise. Nous n'allons pas discuter. Tu disais non, la boisson est bonne. Je vais t'encourager d'aller prendre la boisson. Car tu ne sais pas que tu n'avais pas connu Pharaon. Tu l'aurais connu. Souhaiter à ce qu'on puisse t'en parler. Tu ne voudrais même pas qu'on puisse de retourner par cette voie-là. Tu ne peux plus accepter. Que Dieu nous aide tant. Frère, c'est l'expérience de la croix qui m'est fait à toutes ces choses. Maintenant, si quelqu'un est déjà réellement sauvé, une chose que Dieu fait, il dit qu'il ôte le vieux cœur qui aimait beaucoup plus les choses du monde. Il ôte ses cœurs et il te donne un nouveau cœur. Et ce nouveau cœur, ça ne peut plus te pousser à venir à l'église seulement les dimanches, non. Toi-même, si tu ne ponctues pas, amen, il n'y a pas de problème. Un cœur nouveau ne peut pas te pousser à venir à l'église seulement le dimanche. C'est faux. Ce qui fera de cette église spirituelle Ce n'est pas que nous, lorsque nous allons placer beaucoup de véhicules dans le parking, si tu allais au gouvernorat, vous y trouverez beaucoup de véhicules stationnés. Si vous allez dans des zones de santé, vous y trouverez encore beaucoup de véhicules qui fait la vaccination. Après la vaccination, il aura beaucoup d'argent. Mais son salaire qu'on lui a proposé est de $200. Après la campagne de vaccination, car il a supervisé cette campagne. Déjà, là, vous avez la voiture. Et immédiatement, il paye une voiture. Divi. Voleur. Et toi, tu dis, non, Dieu m'a béni. Si le véhicule pouvait parler, il pouvait te dire, non, tu as volé pour payer. Que Dieu nous fasse grâce. Bon, avec ça, même si on te prêche, avec cette parole, même si on te prêche, mais tu continues à être voleur. Miuri, ça va t'aider en quoi? Qui va se passer au millénium? Mais que ton âme n'est même pas encore sauvée. Ça doit t'aider en quoi? L'âge est mauvais. L'âge dans lequel nous vivons, les démons de tous les âges passés se sont concentrés maintenant dans l'âge de l'Odyssée. Si tu t'amuses, tu vas glisser, flotter et partir avec les eaux. Écoutez ce que le frère Branham dit. Étroite est la porte. Mulango ni mwembamba. Je peux voir le deuxième micro. La voix est en train de partir, mon frère. Naweza kupata mikro ya pili. Sauti inaenda. Nukta makumi munane na tatu. Laissez-moi vous mettre en garde ce matin. Niache nimisopeshe asubuhi ya leo kanisa. Faites beaucoup attention. Musopoke sana. Mkebe yange. Parce que cela a pris beaucoup de temps. Nzui nagawia sana. Dans cette génération. Muiki zazi. De pharisiens. Ya wafarisayo bato kupenda michezo. Ah, banafiki. Wana, hypocrite. Prétentieux. Bakujizania. Hypocrite. Wanafiki. Dans laquelle nous vivons. Mule tukunaishi. S'il y a un péché. Kama kuko zambi. Que le Seigneur reprenait beaucoup. Ile bwana anaanza kukemea sana. À ce genre-là. Na wale watu. C'était l'hypocrisie. Ilikuwa unafiki. Kwa namba uso mbili. Lisons ensemble. Tuisome pamoja. Matthieu chapitre 23. Matayo sura makumi mbili na tatu. Matthieu 23. Matayo, makumi mbili na tatu. Verset 23. Musala makumi mbili na tatu. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Ole kwenu, wandishi na wafarisayo, wanafiki. Parce que vous payez la dîme, juu, la menthe, de la nette et du cumin. Munalipa chekumi ya umanimande, ya anet, na mboka ya mayani. Ya mboka na ya mayani, legume. Ok. De la net de kumil eout. Et vous laissez de côté ce qui est plus important. Na mungu nacha pembeni, kinye kwa kiamafa kabisa. Frère, kiamafa. Ce qui est important. De quoi na Christo Muroya. C'est avoir Christ dans ton cœur. Christ dans ton cœur, on ne va pas crier sur toi pour que tu payes la dîme. L'Esprit de Dieu va t'enseigner qu'un enfant de Dieu doit payer sa dîme. Verset 27. Malheur à vous hypocrites. Non, scribes et pharisiens. Hypocrites. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Kwani munafanana na makaburi yenye kupenta pencho mweupe. Apparemment, à te voir comme ça, tu parais comme un chrétien. Mais les choses que tu fais. Na shetani, na et même le diable tique un peu. S'étonne. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Un homme qui n'est pas passé par la croix. Celui qui n'a pas expérimenté la nouvelle naissance. Frère, fais semblant, tu verras. Il va t'arriver. Les choses que tu vas commencer à faire. Et même les démons vont s'étonner. Et même toi-même, tu vas t'étonner de ta vie. écoutez. Msikilize. Vous êtes ressemblé à des sépulcres blanches. Muna fanana na makaburi ya kupenta sokala mbe. Qui paraît beau au dehors. Ile unaonekana kwa nje mzuri. Tu pamoja. Sommes-nous ensemble? Mais au-dedans, lakini ndani yayo makaburi, souple d'ossements morts, isha kujia na mifupa ya et kufa, toute espèce d'impureté, na aina yote ya buchafu. Frère, où est ton tabernacle de Kambof? Nduku du tabernacle. Un frère du tabernacle de Kambof. Nduku wa makutano wa Kambof. Asha kuzalaka mtoto mwa kulikasi. Il a déjà eu un enfant à Likasi. Shina bibi yako ashiyo. Mais ta femme ne connaît rien. Mais Mungu anajua. Mais Dieu sait. Na roho yako inajua ile mambo. Et même ton cœur connaît que tu as un enfant à Likasi. Unajua bien. Tu le sais bien. Unaweza kufuchika bantu bote. Tu peux cacher aux yeux de tout le monde. Mais kuko bashuda batatu bana utafuchika. Mais il y a trois témoins devant de qui tu ne peux pas cacher. A utafuchika ka Samiri yako. Tu ne peux jamais cacher cela à ta conscience. A utafuchika ka Mungu. Tu ne peux même pas cacher à Dieu tes problèmes. Na a utafuchika bibi yako kwa kumpembe. Et tu ne peux même pas cacher à ton épouse qui est à tes côtés. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Bwana atubariki. Que le Seigneur nous bénisse. Atupende kwa na Bokristo kwa kumanchu. Nous ne voulons pas avoir ce christianisme-là formalité. Un véritable chrétien. Le christianisme doit commencer dans nos cœurs. Oh, vraiment, que Dieu nous aide. Mungu apate tusaidie. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Écoutez. Puisqu'il lise. Hypocrite. Wanafiki. Vaniteux. Bakudizania. Dans cet âge. Mwikizazi. À l'heure où nous disons ce matin. Mu wakati tunasoma asubuhi ya leo. Il y a des hommes. Kuko batu. Et des femmes. Banaume na banamuke. Assis dans l'église. Bwenye kukala mkanisa. En train de chanter à Dieu des cantiques. Banaimbia Mungu nyimbo. Et ensuite. Na kisha. Ils sortent de l'église. Wanatoka mkanisa. Où il y a la puissance. Mule munapatikana uwezo ya Mungu. Au lieu de faire des expériences. Bali abo kufanya salut. Onjo ya wokovu. Ils sortent de l'église avec des sensations. Wanatoka mkanisa na michamuko chamuko tu. Nous avons bien chanté. Oh, tulimba mzuri leo. Le chant ne sauve personne. Nyimbo ayokoake mtu. Écoutez. Msikie. Et ensuite. Na kisha. Le femme. Wanamuke. Et les hommes et les femmes wanaume na wanamuke sont assis sur le banc. Ils chantent à Dieu des cantiques. Wanamwimbia Mungu nyimbo. Et ensuite ils sortent de l'église. Wanatoka mkanisa. Certains wamoja vont aller fumer la cigarette. Wanaenda kufuta tumbako. Frère, il a fait un tumba. Un frère qui fume la cigarette. Njo mazambi mo ya chini. Ce sont des péchés là vraiment terre à terre. Ya chini. De pêcher vraiment terre à terre. Oh, milongo, pas mikuno, pas mikuria. Pour bien manger, il faut avec appétit. Il faut que je prenne même une bière, une bouteille. Bien quoi? Est-ce vrai ça? Ni bien quoi? Est-ce vrai ça? Il faut que Dieu t'aide. Kumbuka bien quoi de ton atoka. Souviens-toi de là où nous venons. Frembas. Frembas. Si tu ma photo, nous avons nos photos il y a 10 ans. Il y a 10 ans passés. Et chacun de nous prenne sa photo d'il y a 10 ans. Tu verras même si, tu verras comme si tu avais l'argent pour te payer même une paire de lunettes. Maintenant, qu'est-ce qui suscite en toi de l'orgueil? Et c'est parce que tu as un peu de moyens. Regarde, si Dieu te bénit, la seule façon pour que tu sois davantage béni par Dieu, humilie-toi. Kiburi, l'orgueil, c'est manifeste même dans la façon de parler. Dada, ma soeur, aide-moi. Mes enfants à la maison n'ont pas mangé 2 jours. Vous aussi, vous ne faites que mettre au monde. Vous ne faites que mettre au monde. Ambo. Kweli. Tu te moques de Dieu? Tu te moques de celui qui est pauvre? Celui qui se moque d'un pauvre, il se moque de celui qui a fait de cet homme-là pauvre. Maintenant, la Bible dit quoi? C'est l'Éternel qui enrichit. Niwa milele ndio natajirisha. Et c'est l'Éternel qui niwa milele tena unafaa mtu akwe maskini. Alors tu te moques de qui? Dada na ye. C'est sœur là aussi. Paka kikwembe kimoya kusukula kuloata. Elle ne fait que porter un même pagne. Anafula leo, anafula, anafula, anafula. Toi qui as commis des pagnes. Tu ne vois pas celle qui est à tes côtés. Bilacha kuvola bi unafaa. Comment elle est habillée? Est-ce que ça te fait plaisir? Frère. Ndoku. La vie éternelle, dès que ça entre dans l'homme, ça ne peut pas te donner ou femme ou amassir et tout. Ça va te donner la vie de Jésus-Christ. C'est très simple que ça. Que Dieu nous fasse grâce. L'orgueil de la vie. 1 Jean chapitre 2. Yohana wa kwanja sura pili. Verset 15. Musara 15. N'aime pas le monde. Nisipende kamwe dunia. Ni les choses qui sont dans le monde. Kupatikana mu dunia. Si quelqu'un aime le monde. Kama mtu anapenda dunia. L'amour de Dieu. Mapendo ya Mungu haina kamwe ndani mwake. Qu'est-ce qui est dans le monde? Ni nini ko mu dunia? La convoitise des yeux. Tamaa ya macho. L'orgueil de la vie. Kiburi ya maisha. La convoitise de la chair. Tamaa ya mwili. Ces choses-là. Bile bitu. Ne viennent pas du père. Abitoke kwa baba. Mais ça vient du monde. Natoke kwa dunia. Et le monde passe. Na dunia kumkupita. Avec toutes ces convoitises. Na tamaa yao vile vile. Celui qui fait la volonté de Dieu. Mwenye kufanya mapenzi ya Mungu. Il demeure éternel. Anadumu milele. Alléluia. Amen. Maintenant. Sasa. Ce genre-là qui écoute la parole. Wale watu, wanasikia neno. Après avoir chanté. Kisha kuimba. Ils sortent. Wanatoka kisha. Et ils vont dans le jeu. Wanaenda mumichezo. Le bal dansant. Kucheza maringa ya dunia. Et faisant des plaisanteries grossières. Na kufanya mamiza ya mpumbafu. Milongo mine kalaka shambu. Oh, moi je suis shambuish. Jacob na isha likulaka shambu. Jacob fut aussi shambui. Achefoye bintu sa wei. Il ne faisait pas des choses grossières comme toi. Des paroles grossières. Misemo ya upumbafu. Njobi nafikishaka bantu banafika mu fomu. Ce sont des choses qui amènent les gens à commettre l'adultère. Sœur ana bibi yako. La sœur qui n'est pas ta femme. Mais unaanza kumuuliza. Et tu commences à la poser question. Unakuwa na tête ya bien. Ah, tu as un beau teint. Ni esprit kani kunakusemesha. Quel est l'esprit qui te pousse à dire cela? Aina esprit ya Mungu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Kuko paka maroho mbili pa. Il n'y a que deux esprits dans ce monde. Kama ina roho ya Mungu inakuongoza. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui te conduit. Tuambiane washi washi. Disons-nous la vérité. Ni shetani. Donc tu es conduit par le diable. Non. Pas non. Una nene pa. Ah, tu as pris du poids. Kama unashikia frère anaanza kuambia. Sœur, si tu entends un frère te le dire. Hata kama ni mhubiri. Même s'il est prédicateur. Umupeleke kwa ancien. Amène-le devant l'ancien. Au mufungishe kinyo. Ou soit tu dois le faire taire. Usimufutike ni kipiri ni nyoka. C'est un vipère. Atakuluma. Il va te mordre. Kutengeneze le mambo. Et tu ne sauras pas arranger la chose. Sacrifice yako yote. Et tous tes sacrifices. Mumai. Iront en vain. Ndio utashinda kwenda na kumbi. C'est alors que tu ne sauras même pas aller au ciel. Muntu moyo hivyo ashike. À cause d'un homme. Qui est un insensé. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, non? Écoutez ce que la Bible dit. Des plaisanteries grossières. Ma misa ya upumbafu. Ma busese. Ma busese, busese. Des plaisanteries. David a parlé. Des choses pareilles, non? Ah, tu as encore mis au monde. Ta femme a encore mis au monde. Toi aussi, tu ne dors pas. Ou un poli. Oui, comme ça, d'abou. C'est l'impolitesse. Ni ou qu'on s'est fou à d'abou. Ceux qui sont nés de nouveau. Ben, vous allez comme rapili. Ils ne sont plus impolis. Abara, bako sa d'abou. Kama koko bantu, ben, akiri sa. Il y a des gens qui sont vraiment sages. Akiri, y a bien quoi. Qui sont réellement intelligents. Ça commence par la nouvelle naissance. Ni ou qu'on s'est fou à d'abou. Mais la qu'est-ce que tu cherches dans tout ce que tu es en train de dire? Votre esprit Royako, et votre cœur na moyo wako, sont souillés. Iko yekuchafua. Et c'est l'onction du diable qui est sur toi. Na ni upako ya shetani njoko yulu yako. Tu as l'onction du serpent. Iko na upako ya nyoka. Une femme d'autrui, tu ne peux pas t'amuser de faire des présentations. Et toi aussi, sœur, il ne faut pas. Nous devons tous retourner à la chrétienté authentique. Tu vas chez un frère. Le frère est absent de la maison. Mon ami, c'est toi, frère. Ta femme n'est pas mon ami. Laisse-la, elle va dire oui même à la maison. C'est une femme, c'est une méchanceté. Ta femme n'est pas mon ami. Mon ami, c'est toi, frère. C'est comme ça, non? Si tu arrives à la maison, que le frère n'est pas là, rentre. Quand tu lui reviendras, non, j'étais chez toi. Nous viendrons causer entre hommes. Maintenant, toi, tu vas t'asseoir pour causer avec la sœur sur quoi? Le diable va vous visiter. Non, frère. Bananduku. Mapendo ai suspectaki. Ah, mapendo ai wazianaki mubaya. C'est quoi ça? Mapendo ai suspectaki. L'amour ne soupçonne pas. Paga mouille Bible. Dans la même Bible. Mapendo na yo. L'amour aussi. Ai furayake buzalimu. Ne se réjouit pas de l'injustice. Ah. Bilo kana fanya we ni injustice. Ce que tu fais là, ni uzalimu. Aina waki apa. Auta kuyaka na akili kupita sauti ya Mungu. Tu ne seras jamais intelligent de plus que la parole de Dieu. Ula nasema ni Mungu. C'est Dieu qui l'a dit. Wewe unataka kuonekana sasa unajua kupita na Mungu. Que tu es plus intelligent de plus que Dieu. Ata shetani mwenyewe sitafaa bila kuna. Même le diable ne peut pas faire ce que toi tu es en train de faire. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Ata uko trop rempli du Saint-Esprit. Ata kama uko wakuyala sana na Roho Mtakatifu. Unaenda kwa frère. Tu vas chez un frère. Unamukuta yana hapo. Et tu trouves que ce dernier n'est pas chez lui. La sœur n'est pas là. Na ba jeune fille. Et il n'a que des jeunes filles, ba binti. Mulipe kitchen. Donnez-moi une chaise que je puisse m'asseoir. Na ba jeune et que tu commences à causer avec ba binti. Una kintu kimomo kichwa. Il y a quelque chose dans ta tête qui ne tourne pas. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Hii ni ma ABC ya maisha ya Kristo. Hii ndio mwanzo e binti unapaswa kuheshimia ndio anze maisha ya Kikristo. Kama unapenda ku comprendre ma mystère. Si tu veux bien comprendre les mystères. Pasho kuzali kwa mara ya pili. Sans pour autant naître de nouveau. Utadanganywa. Tu seras trompé, tu seras séduit. Séduit. Utatongozwa. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Hautabebaka mtoto wa première primaire. Tu ne prendras jamais l'enfant de l'école de la Mwanzo kumfundisha algèbre. Commencer à l'enseigner l'algèbre. La mathématique. Avec la mathématique. Achita comprendre. Il va rien comprendre. Amen. Amen. Ni bya kweli ndugu yangu. C'est vrai mon frère. Des paroles de plaisanterie. Mistemo ya busese. Non. Apana, apana, apana. Kinywa kya mukristo. Dans la bouche d'un chrétien. Atukombane mvita paka na mazambi ya kuonekana. Nous combattons pas seulement contre les péchés visibles. Nous combattons aussi contre les péchés invisibles. Et même ceux qui se trouvent dans nos pensées. Una pasha kupika vita. Aussi combattre contre paka tupate ushindi. Afin que nous ayons la victoire. Notre victoire est déjà assurée. Ushindi yetu iko ni kwa kikishwa. Nous ne combattons pas pour la victoire. Atukombane ndio ushindi. Mais nous combattons dans la victoire. Lakini tu la kombana bila kupatikana katika ushindi. Et là c'est pour les enfants de Dieu. Na ile ni ya watoto ya Mungu. Amen. Ephésiens chapitre 4. Wa Efeso sura 4. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche. Mukinyo yenu musitoke. Aucune parole mauvaise. Musemo ata moya ya mubaya. Mais c'est la Bible non. Si Biblia ndio nasema. Disons maintenant amen. Useme sasa amina. Oui, Shambu, ici qui est Léo. Shambu, écoute, maintenant aujourd'hui. Mwambui. Et toi, la Mwambui. Mwambui. Ici, nous n'avons pas de Shambu et de Mwambui. Nous n'avons que de fils. Nababiti de fils de Dieu. Le fils et le fils de Dieu. Watoto wanaume na wanamke wa Mungu. Ah. Écoutez. Msikilize. Qu'il ne sorte de votre bouche. Musitoke kama mukinywa yenu. Aucune parole mauvaise. Hata msemo moja ya mubaya. Mais s'il y a lieu, lakini kama iliwezekana, quelques bonnes paroles, maneno nzuri, qui servent à l'édification, et kusaidia njia ujenzi, et communique la grâce à ceux qui l'entendent, na kuleta neema kwa wale wanaisikiliza. Pourquoi? Jua nini? Masauti ya mubaya, les mauvaises paroles, itakufikisha kufanya mambo mubaya, vont t'amener à commettre aussi des mauvais actes. Maintenant, Ephésiens 5, sasa wa Efeso sura 5, verset 4, mstari ya 4, il dit ceci, verset 3, mstari ya 3, que la débauche, uzini, ni aucune impureté, wala aina gani ya uchafu, bilo unafanya bile, ce que tu fais là, ni la cupidité, wala kupenda kwa franga, ne soit même pas nommé parmi vous, basi itaya ita kubitaya katikati yenu, ainsi qu'il convient à de saints, sawa vile inastahili kwa watakatifu, est-ce que batakatifu beko hapa, est-ce qu'ici y a le saint, ainsi qu'il convient à de saints, hivi, njo vile inastahili kwa watakatifu. Bana ce que tu as toujours fait là, tu le tires d'où? Écoutez maintenant. Écoute, si vous utilisez ça, 1 Corinthiens chapitre 6. Wa Korinto wa kwanza sura 6. Verset 9. Mustari ya 9. 1 Corinthiens 6. Wa Korinto wa kwanza sura 6. Verset 9. Mustari ya 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Amujua kwamba wazalimu hawatariti ufalme wa Mungu. Ne vous y trompez pas. Musijidanganye. Ni la débauche. Wala wazinifu. ni les idolâtres. Voilà, waabudu sanamu. Frère, mon chéri, pas imamba idolâtre. Waabudu sanamu, parlons-en un peu. Idolâtrie. Waabudu kwa sanamu. Aina paka kupiga magoche kumbele. Ce n'est pas seulement d'aller s'agenouiller devant une statuette. Non, non. Apan. Kintu kyote. Toute chose. Kile unapenda muro yako. Que tu aimes dans ton cœur. Kupita Mungu. Et plus que Dieu. C'est une idole. Ni sanamu kwako. Et aucun idolâtre. Na kula tama budu sana mumoya. Mora l'accès au ciel. Kula tangiaga kumbingu. Je m'arrête ici. Asimami hapa. Je prends la prédication. Vous devez soyez certains de Dieu. Na beba mahubiri inasema hivi, muwe na uhakika na Mungu. Paragraph 11. Nukta 11. Écoutez. Msikilize. Dernière partie là-bas. Kipande kya mwisho. Ne laissez rien passer avant vous dans votre cœur. Usiache kitu hata kimoya kupita ndani ya moyo wako, kibeba fazi ya kwanza moyo wako. Tout ce qui passe avant Dieu. Yote bila beba fazi ya kwanza kupliko Mungu est une idole. Ni sanamu. Mais angalie vile unakuwa mkanisa wewe paka dimanche. Mais regarde comment tu vis à l'église seulement le dimanche. Ni sanamu kani na kupushisha kuya mkanisa. Quelle est l'idole qui t'a toujours empêché de venir à l'église au courant de la semaine? Le travail, frère. Kazi nduku. Frère, donc, c'est lui qui donne le travail, c'est qui? N'est-ce pas Dieu? C'est lui qui nous donne la force même pour aller au travail, c'est qui? N'est-ce pas Dieu? C'est lui qui nous donne la force même pour se tenir debout. Ce n'est que Dieu. William Branham dit ceci. Si un homme n'est pas en mesure de fermer son établissement commercial, que ce soit une pharmacie ou telle activité, pour aller à l'église, écouter la parole de Dieu, si tu n'es pas en mesure de le faire, tu n'es pas encore né de nouveau. Frère, la nouvelle naissance, c'est une job basse. Alléluia. Amen. Non, frère, ni cage, ton courant, c'est le travail, c'est dépassé. Si Dieu soufflait seulement sur ton travail, tes activités, Utaria. Tu vas pleurer. La Bible, écoutez ce que la Bible dit. Kume, si la main droite inakuya, devient un obstacle pour t'empêcher d'aller au ciel, Katayo. Coupe cette main-là. C'est mieux pour toi d'entrer au ciel manchot plutôt que d'entrer dans la Gehenna avec tes deux mains. Mungu que Dieu nous aide. Maintenant, si le travail commence à m'empêcher d'aller à l'église, je vais arrêter ça. Je vais dire à Dieu, j'arrête avec ce travail à cause de toi. Donne-moi un travail qui va me permettre d'aller régulièrement à l'église. Ça paraît simple, mais ceci dépend de notre vie. Lakini, njo pale panasimamia bujima yetu. Amen. Amen. Écoutez mes chers bien-aimés frères et sœurs. La nouvelle naissance est comparée à une fondation. Kuna fananishwa na msingi. Ah. En soi, on dit très bien msingi. Fondation. On ne peut pas ériger ce bâtiment. Abawezi kujenga imaskani. S'il n'y a pas de fondation. Kama kuna msingi. Si la fondation n'a pas été bien posée, kama msingi ba kuyenga mzuri, ce bâtiment ne va pas subsister. Ima jengo ya haita kawia. Est-ce que nous sommes ensemble? Et tu pamoja? Il y aura des fissures ça et là. Mukwenda masiku bibumashi kanda upasuka. Finalement ça va s'écrouler. Musha yote ima kutana tanguka. Jwani tanguka. La fondation n'a pas été bien posée. Msingi aba kuifanyake mzuri. Les architectes le savent. Waje kutunga mapu na ya majengo. Et les constructeurs na wajengaji wanajua. Lisons. Tous sommes. Lisons. Tous sommes. Matthieu. Matthieu. Chapitre 7. Sur la Saba. Matthieu chapitre 7, verset 24. Matthieu sur la Saba, Moussala Makoum Bilaïm. Les architectes et les constructeurs le savent. Voilà, voilà, Tungaka, ma plan, ma nyumba, na wenye kujenga, wana jua imam. C'est pourquoi quiconque entend mes paroles que j'ai dit yoyote anasikia maneno ni unasema et le mettre en pratique, na ya tumikia, sera semblable à un homme prudent. Atafananishwa na mutu mwerevu wa akili. Qui a bâti sa maison sur le roc? Ule alijenga nyumba yake yulu ya mwamba. Je crois que tout unafuata mzuri. Nadhani vous me suivez attentivement. La pluie est tombée. Mvula linyesha. Les torrents sont venus. Pepo nguvu kapika. Le vent a soufflé. Pepo kapika. Se sont jetés contre cette maison. Na ikaipika ile nyumba. Elle n'est point tombée. Lakini nyumba haikuanguke kamwe. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Ju ilijengwa yulu ya mwamba. Amen. Amen. Mais lakini quiconque entend ces paroles que je dis, yeyote anasikia maneno niko nasema, et ne les mette pas en pratique, na asitumikie, sera semblable à un homme insensé. Atafananishwa na mutu mpumbafu. Kanisa tuko pamoja. Église, est-ce qu'on est ensemble? Qui a bâti sa maison sur le sable? Ule ajenga nyumba yake yule akichanga. Aba jenga ke yule ya mchanga. On ne construit pas sur le sable. La pluie est tombée. Vula ilinyesha. Les torrents sont venus. Maya nguvu ilikuya. Le vent a soufflé. Pepo ilikuya. Ilivuma. Et on bâtit cette maison. Na ikapika ile nyumba. Elle est tombée. Na nyumba ikanguka. Et sa ruine. Na matongo yayo. A été grande. Ilikuwa kubwa sana. Njoo kile kinafikiaga batoto ya Mungu mimi. C'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu. Anapata kilio mtoto anakufa. Il est éprouvé, il perd son enfant. Bwana nakufwa. Ou ça c'est son mari qui meurt. Sœur wetu wa mutabernacle. Notre sœur du tabernacle. Anaanza kuvaa la pantalon. Elle commence à porter les pantalons parce que son mari est décédé. Anaacha bia Mungu. Elle abandonne les affaires de Dieu. C'est quoi ça? Ba sœur ba mutabernacle barili kwaza. Oh, les sœurs du tabernacle m'ont achopé. Voilà pourquoi j'ai abandonné. A ubiache juu badanga barikwaza. Tu as abandonné parce que les sœurs. Ubiache juu yanzaga mubaya. Tu as abandonné parce que tu avais mal commencé. C'est parce que tu n'étais pas né de nouveau. Tu as construit ta maison sur le sable. Tu as dit, j'ai cru, mais dans ton cœur, tu n'avais pas cru. Tu cherchais seulement par où tomber, par où... Un bouc émissaire, oh non, ils ne sont pas venus me voir à l'hôpital. J'abandonne. Ils n'ont pas d'amour. Ni wewe ndio rienga nyumba yako kwa mchanga. C'est toi qui as construit ta maison sur le sable. Quand pepo kaloko tuko na kuya. Un petit vent a soufflé. Nikulu chini. Tu es tombé. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide tant. Mungu atusaidie badala. Que Dieu nous aide, mes sœurs. Kama ufanye hii onjo banduku yangu. Tu ne fais pas cette expérience, mes frères. Hata miaka 30 itapita. Même 30 années peuvent passer. Hii masauti unasikia hii. Les paroles que tu entends ce matin. Utaishikiaka tena mwashikio yako. Tu les entendras encore une seconde fois dans tes oreilles. Peut-être ça sera trop tard. Ça zingite kwa nyuma kabisa. Amen. Amen. Et il nous arrive trop souvent. Na kila mara inatufikiaka. Je l'ai déjà entendu, les anciens sont des témoins. Isha bisikiaka wazee nao ni washuhuda. Je vais quand même prier Dieu. Ntaomba kwa Mungu. Pour que Mungu anipatie kwa mapendo. Oh, que Dieu me donne l'amour. Ata unafunga chakula. Même si tu jeûnes. Unalomba Mungu akupatie mapendo. Tu pries à ce que Dieu te donne l'amour. Mungu ashitakupa ile mapendo. Dieu ne va pas te donner cet amour. Est-ce que tu pamoja? Et tu trafuata? Mapendo ya biakwe. Le véritable amour. Ni tabia ya Mungu. C'est la nature divine. Ile batoto ba Mungu beko napokea. Que les enfants de Dieu reçoivent. Wakati tunazalika mara ya pili. Lorsque nous naissons de nouveau. Kama uzalikwe, si tu nenes, ata unaomba, même si tu priais, utajiforcer, utajikaza, mais, lakini, shiku ni moya, un jour, utabiacha, tu vas abandonner. Oh, ima shiku mitansa kujiforcer, je vais commencer à me forcer, kwenda kumukanisa dimanche, pour aller à l'église dimanche, parce qu'on en a parlé. Mais kama kwa mwenye kuzalikwa ya kweli, tu es né réellement, kuya mukanisa kuikala pa ile fwashi, ni maisha yako ya kila shiku, c'est ta vie de tous les jours. Tu n'as pas besoin d'être exhorté pour ça. Que le Seigneur nous bénisse. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Autaishi maisha ya Kristo. Tu ne vas pas vivre la vie chrétienne. Kama ukupate tabia ya Kristo moyo yako. En tant que tu n'as pas encore reçu la nature de Christ dans ton cœur. En naissant de nouveau. Alléluia. Amen. Mwangalie mambo yanafanyika frère. Regardez ce qui se passe. Bantu mingi katikati. Beaucoup de gens parmi nous. Beko tu bajima, babichi mko sana kwa. Babichi. Ils sont là. Ils sont encore vivants, ils ne sont pas encore morts. Car si quelqu'un mourait, mourir, ce n'est pas dans la chair. Tu meurs à la nature que nous avons acquise à la naissance. Ah. Car tout homme ayant son père et sa mère, et des hommes et des femmes, il n'est méchant. Ce n'est pas ce que les Français nous trompent. L'homme naît naturellement bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. C'est très faux. Il est perverti, mauvais. Qu'elle soit correcte, c'est lorsqu'il croit à la parole de Dieu. Et si tu mourais réellement, tes convoitises, tu ne vas plus envier les choses terrestres. Tu vas envier les choses célestes. Tu vas aspirer à Colossae. Dans Colossiens, Colossiens chapitre 3, Colossae, verset 1. Mustari, il y a quoi? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, kama basi mulifufuka pamoja na Kristo, cherchez les choses d'en haut. Tafuteni vitu vya kumbingu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Kristo aneketi kumbingu. Attachez-vous aux choses d'en haut. Mujipendeze na mambate na vitu vya kumbingu. Et non à ceux qui sont sur la terre. Wana kubitu vya padunia. Pourquoi? Jua nini? Car vous êtes morts. Wani muko benye kufa. Amen. Amen. Car vous êtes mort. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Alléluia. Amen. Pour paraître avec Christ dans la gloire, il faudrait que Christ apparaisse d'abord dans notre vie aujourd'hui sur la terre. Pour régner avec Christ dans les millénaires, il faudrait que Christ domine d'abord notre vie aujourd'hui. Est-ce que tu n'as pas eu de Pouvons-nous dire amen à cela? Pour aller régner avec lui, il commence d'abord par dominer notre vie pendant que nous sommes sur cette terre. Si tu n'as pas encore dominé dans ton cœur, ton esprit, tu ne pourras jamais régner avec lui. Savez-vous, lorsque Jésus-Christ va revenir, la première des choses, la Bible dit, ou à Thessaloniciens chapitre 4, nous n'allons pas le lire, il dit, à la voix de l'archange, au son de la trompette. Comme lui a parapanda. Bible la dit, en Christ ressuscité. Wa Christ na beni kwa bajima mwile wakati. Qui resterait en vie à ce moment-là. Un chrétien n'a rien à perdre. Kama mina kufa leo, si je mourais aujourd'hui chrétien. Mina pomujike, là je vais au repos. Wakati baragumu italia. La sonnette va la trompette va sonner. Je vais ressusciter. Alléluia. Amen. Kama mina bakia mujima. Si je restais en vie. Mpaka wakati Yesu atarudia. Jusqu'à l'avènement de Christ. Wakati macho tamuona. Lorsque mes yeux le verront. Nasema, la Bible dit. Nous lui serons semblables. Tutafanana naye. Et nous serons comme lui. Tutakuwa vile ye eko. Mwile wakati. En ce moment-là. Mwili mureona. Le corps que vous me voyez. Itabadilika. Va changer. Kama mwili nabadilika. Dès que le corps change. Tutakwenda naye. C'était là pour partir avec lui. Alléluia. Amen. Mais, lakini, juu ya kuexperimenter la transmutation de ce corps, juu ya kuonja kubadilishwa kwa hii mwili, il faut que le cœur soit changé d'abord aujourd'hui. Inafai moyo ibadilishwe kwanza leo. Kama moyo iabadilika bado, que le cœur n'a pas encore changé, c'est une preuve suffisante. Même lors de l'avènement du Seigneur, le corps ne va pas changer aussi. Yako haitabadilika vile vile. Alléluia. Amen. Écoutez, mes bien-aimés. Le verset 5. Faites donc mourir ce qui est vos membres et terrestres. Vous fagnez basi, viungo vienu, vipate kufa, biabatunia. Un. Ya kwanja. La débauche. Uzini. Deux. Ya pili. L'impureté. Uchafu. Trois. Ya tatu. Le mauvais désir. Matama ya mubaye, ya mwili. Tama. Matama. Ya mwili, mawazo mubaya, les mauvaises pensées, frère, duku, mu Christo asikombane paka mvite ya kuonekana. Un chrétien ne se bat pas seulement dans un combat visible. Na mimi sikusikia tena mwanamke mwana sema. Moi j'ai déjà entendu une femme dire. Mishipenda kilongo babwana babanene. Moi je n'aime pas des hommes gras, gros. Nasema shetani yeye anaanza kusema kwa hapo. Alors le diable commence à parler. Et si ton mari qui t'a épousé était mince, c'est toi avec ta cuisine là, il prend beaucoup de poids. Maintenant, tu vas dire quoi? Tu es possédé. Moi, je n'aime pas un mari avec beaucoup de barres. Qu'est-ce que tu cherches d'abord? Qu'est-ce que tu cherches dans tout ça? Toi, tu es possédé. C'est quoi ça? L'esprit d'adultère. C'est ce qui te trouble. Même si tu souris, en toi, tu sais que c'est la vérité. Laisse-toi parler. Que Dieu nous bénisse. Écoutez. Faites donc mourir ce qui est terrestre. La débauche. L'impureté. Le passion. Matama le mauvais désir. Mania yambaya. Mania. Ouais, quelqu'un pour arriver à poser des mauvais actes, le diable commence d'abord par te nourrir des mauvaises pensées dans ton esprit. C'est pourquoi nous sommes aux Philippiens. La raison pour laquelle vous allez lire dans Philippiens. Philippiens chapitre 4. Ou à Philippe sur la Ine. Écoutez ce que la Bible dit. Parce qu'il disait, il est Bible Nassim. Verset 8. Moussara Mounani. Au reste, frère. Wayote Nabaki Wandugu. Que tout ce qui est vrai. Yenye kwa ya kweli. Tout ce qui est honorable. Yenye kuheshimiwa. Tout ce qui est juste. Ya haki. Tout ce qui est pur. Yenye kwa safi. Tout ce qui est aimable. Ya kupendeza. Tout ce qui mérite l'approbation. Yenye kustahili kukubaliwa. Ce qui est vertueux. Ya damani. Et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tu n'as pas chaque oise normalement. Nous devons avoir de bonnes pensées. C'est un devoir envers nous-mêmes. Et agir correctement. Un devoir envers Dieu. Un véritable chrétien. Moi que vous voyez. Si mon mari mourait. Paka frère moya, paka saoule. Il faut un frère comme tel. Mwana ko kasu mwana. Angaria. Regarde. Una ta useni. Qu'est-ce que tu veux dire? Mungu akusaidie. Ah dada, que Dieu t'aide. Mawazo mubaya. Les mauvaises pensées. Una nikwambia se bwana wako ndio atakufa. Qui t'a dit que ton mari va mourir avant toi? Mi bibi yangu anakufa nitaoa paka wa mweupe. Moi je vais épouser une femme bronzée. Wa mweupe njo mbingu, njo malaika. Et ce sera un ange maintenant. Une femme bronzée. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Ba frère. Nduku. Ba frère. Nduku. Ba nduku yangu. Mes frères. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Sianze kuichika sana niona kufanisha théâtre. Il ne faut pas dire amen comme si je faisais du théâtre. Peut-être wenje utakufa avant. Peut-être c'est ton frère qui va mourir avant elle. Mais Mungu ashipende ukufa. Mais Dieu ne veut pas que tu meures ayant de telles pensées. Tout cela. Les hôtes doit être le sujet de nos pensées. N'a pas ça quoi China, il y a mawazo yetu. Pour pouvoir plaire au Seigneur. Il est pas te kumpendeza bwana. Et cela est possible. Na ile nawezekana tu. Quand vous avez la nature de Christ. Wakati unakuwa na asili ya Kristo. Parce que Christ. Du Kristo. C'est la vie. Ni uzima. Quand vous avez Christ. Wakati uko na Kristo. Ce n'est pas vous qui allez vivre la vie de Christ. Aina wewe utaishi maisha ya Kristo. Là, écoutez très bien. Msikilize vizuri. Oh, mimi nitajiforcer sana. Oh, nitaanza kuishi maisha ya Mungu. Hapana. Quand Christ entre dans le cœur. Parce que Christ. C'est lui Jésus. Wakati Kristo anaingia moyo wako. Ni yeye mwenyewe. Qu'il va vivre sa vie à travers vous. Maisha yake kupitia wewe. Vous n'allez pas forcer. Ah, t'as habitu. Comment ni ouais moya. Si c'est de toi-même. Tu t'as forcé ou t'as biché. Tu vas forcer à un moment donné, tu vas échouer. Pas qu'à bouger ma boule. Il faut seulement que cette vie-là. Beaucoup patcher, vous communiquer qui a beaucoup foigné. Puisse te communiquer ce que tu dois faire. Jean, chapitre 15. Yohano sur la Kuminatano. Jean, chapitre 15. Yohano sur la Kuminatano. Je suis le vrai sept. Miyendo muti muzabibu akweli. Et mon père est le vigneron. Na baba njo mwenye mashamba. Tout sarment qui est en moi. Litao yote yenye kwa kwangu. Et qui ne porte pas le fruit. Na ichukue matunda. Il le retranche. Et qu'on a ikata. Kama utoe matunda. Tu ne produis pas du fruit. Bata kutosha pa ile fashuisha kuikala. On va t'ôter de la place où tu es assis. Kama wewe unatoka. Dès que toi tu quittes. Mukanisa muta kwa kirio. Dans l'église il n'y aura pas de deuil. Est-ce que tuko pamoja? Est-ce qu'on est ensemble? Fashi yako wewe moya. Ta place à comme toi. Kama unatoka kwa kiburi. Par orgueil, le Dieu du ciel est capable de retourner dans l'église 10 personnes à ta place. Et tout serment qui porte du fruit. Na litao yote ni kuchukua matunda. Il le monde. Yako na imimia. Afin qu'elle porte encore plus de fruits. Ili ipate kuchukua tena matunda zaidi. Déjà vous êtes pur. Akozi hapa mko safi. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Njoo aneno lilimtangazia. Demeurez à moi. Mudumu ndani mwangu. Je demeurerai en vous. Na mimi tadumu ndani mwangu. Comme le serment. Sable litao. Le peuple de lui-même porte de fruits. Kwa hiyo yenyewe kuchukua matunda. S'il ne demeure attaché au sein. Kama aidumu yenye kumuti ya kati. Ainsi. Ivi. Vous ne le pouvez non plus. Njo vile nawe amuwezi. Si vous ne demeurez à moi. Kama amudumu ndani mwangu. Kama udumu ndani ya Yesu. Si tu ne demeures pas en Jésus-Christ. Ujima wa Yesu abutaonekana. La vie de Jésus-Christ ne peut pas se manifester. Bwana Mungu atubariki. Seigneur Dieu nous bénisse. Je suis le sept. Mimi ni muti. Vous êtes le sarment. Mwe ni matawi. Et celui qui demeure en moi. Na mwenye anadumu ndani mwangu. En qui je demeure. Ndani yake nadumu. Porte beaucoup de fruits. Anachukua matunda mengi. Car sans moi. Bila mimi. Vous ne pouvez rien. Amuwezi kitu. Amen. Wow, ichike utaweza we moya. Toi, tu ne dis pas amen. Tu Jésus dis pas dit. Yesu anasema, sans moi. Bila mie, vous ne pouvez rien. Amuwezi kitu. Alors que sa nature. Nous la recevons par cette chose négligée par beaucoup de gens. La nouvelle naissance. Mais cela nous préserve. Il est kinga. Même de faux enseignements. Ata ya bongo. Quelqu'un qui a cru réellement et il marche dans l'obéissance de la parole. Dieu lui donne même un ministère. Il ne prêchera pas de fausses doctrines. Asa ubiri mafundisho ya bongo. Amen. Amen. Ces gens-là qui nous prêchent aujourd'hui que les tonnerres sont révélés, que je te le dise ouvertement, beaucoup d'entre eux ne sont pas de nouveau. Voilà ce qui amène les gens à de telles prédications, de fausses prédications. Voilà pourquoi nous voulons de véritables expériences avec le Seigneur seul à seul. Il est Amen. Amen. Luc chapitre 6. Lucas sur la cita. 46 à 49. Luc 6. Lucas cita. Verset 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Na wakati la moya mufanye inyene mionesha. Je vous montrerai à qui est semblable un homme qui vient à moi. Ta mionesha ni nani anafanana naye mutu mwenye kwa kwangu? Entend mes paroles. Anasikia maneno yangu. Et le met en pratique. Na naitumikia. Il est semblable à un homme qui a bâti, qui bâtissant une maison et a creusé profondément. Anafananishwa na mutu ule mkujenga nyumba yake, alichimba, anachimba sana et a posé le fondement sur le roc. Na akaweka msingi ya nyumba yake yule ya mwamba. Alleluia. Amen. Yesu Kristo ndio mwamba wa kweli. Jésus Christ est lui le véritable. Kama unapenda kushimama imara mpaka wakati Yesu atarudia. Tu veux tenir ferme jusqu'au retour de Jésus. Shimamia pa mwamba. Toi sur le roc. Mwamba wetu. Notre roc. Ni Bwana wetu. Notre rocher c'est Jésus Christ. Une inondation est venue. Kuja kwa maji kukakuja. Le torrent s'est jeté contre cette maison. Mito ikapika hii mtu hii. Maji mengi yakapika nyumba ile. Maji mengi kapika ile nyumba. Sans l'avoir ébranlé. Bila kuitikiza. Parce qu'elle était bâtie sur le roc. Ilikuwa yenye kujengwa yule ya mwamba. Amen. Amen. Mais celui qui entend. Lakini ule anasikia et ne mette pas en pratique. Na situmikie. C'est un homme qui a bâti une maison sur la terre. Anafananishwa na mtu ule anajenga nyumba yake pa budongo. Sans fondement. Bila msingi. Le torrent s'est jeté contre cette maison. Maji mengi kakuwa na kupika ile nyumba. Aussitôt. Pale elle est tombée. Ile nyumba ikanguka. Et la ruine de cette maison. Kubomolewa kwa ile nyumba. Était grande. Kulikuwa kubwa. Majengo ya byakweli. La véritable construction, le véritable bâtiment bien construit, il a pas chaque na misingi. Doit avoir de fondement. Un fondement solide. Misingi en gouvu. Je vais vous donner un exemple avant de terminer. Je vais vous donner un exemple. Il dit, il y avait un jeune entrepreneur. Entrepreneur Moya, Tiana. Prêtez l'oreille, ça va nous aider tous. Que tu sais, Shibote. Cet entrepreneur a eu un contrat avec le gouvernement. Pour construire un bâtiment de 50 étages. Et il a engagé déjà son moyen. Pour commencer à construire. Jua kwanza le majengo. Il a fini la maison. Akamaliza nyumba. On a crépi. Bakaweka plastara. On a plafonné. Bakaweka maplafon. Carrelé. Bakaweka makaro. Tout était parfait. Yote bilikuwa safi. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti munafuata kanisa. Maintenant, il est allé donner la facture au gouvernement. Ça, ça, elle n'a pas la facture au gouvernement. Payez-moi parce que j'ai fini mon travail. On dit non, non, monsieur. Avant de payer, il y a une équipe d'experts. Ils doivent aller contrôler. Expertise. Pour voir si tout est bon. Amen. Amen. L'équipe est arrivée. Il n'y avait pas moyen de corrompre. Frère, Nduku, papa dunia, sur cette terre, si tu as l'argent, tu peux corrompre au parquet, on a kata milomo au commune, on a corrompre au tribunal, on a kata milomo au tribunal, baraza okumu, na ku gouvernora, na ku gouvernora, on a kata milomo, na ku présidence, on a kata milomo, on a wezi ku kata milomo, mais il y a un endroit là où tu ne peux pas corrompre, quand tu voudras entrer à la porte par le tu ne peux pas y entrer, mu kata milomo. C'est pourquoi qu'il a montré la personne. Raison pour laquelle chacun de nous doit être sérieux. Qu'il puisse examiner s'il a été conçu sur un bon fondement. Si tu n'es pas sur un bon fondement, je t'en supplie au nom de Jésus-Christ, recommence à rebâtir sur le bon fondement. Et ces gens ont examiné la fondation. Ils ont dit, après plusieurs autant d'années, cette maison va tomber à fondation. Car la fondation fait, ne peut plus supporter la charge de 50 étages. Mumiaka Kumi, ça va s'écrouler. Et en conséquence, le gouvernement dit, nous n'allons pas te payer. Frère, donc, ou d'imaginer, ou d'où est-ce que parfois j'ai oublié. Mets-toi à la place de cet entrepreneur. À la fin de ton voyage, le Seigneur te dit, que le Seigneur te dise, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Il n'y a pas une parole qui va blesser l'homme comme celle-là. Que Dieu nous aide. Mungu apate kutusaidie. Vous savez l'essor de ce jeune entrepreneur. Unajua mambo limfikia huyu entrepreneur. Anapanda yulu. Il est monté au 50e étage. Sur au 50e étage. Monsieur José. Ancien José. Anali tout pachi. Il s'est projeté. Ala pasuka. Il est tombé par terre. Mambo yake ni shia. Et c'était fini par là, il est mort. Prophète ndio anasema. C'est le prophète qui dit maintenant. Muntu yote ule shikwanze maisha ya Kristo na kuzalika kwa mara ya pili. Il n'a pas commencé la vie chrétienne par la nouvelle naissance. Ata napokea maenseignement pasteur wetu ngoi ndaye anatupatia. Même s'il a recevé les enseignements donnés par notre pasteur. Mwisho ya safari yako. À la fin de ton voyage, utakuwa déçu. Utapata haya moyo wako utavunjika. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Asa unyambie vile Mathieu unasema. Maintenant dites-moi tel que Mathieu le dit. Que servira-t-il à Enoch? Ça dit à nini kwa mutu? De gagner le monde entier. Oui, na kupata hii dunia yote mzima. Mais lakini afin de perdre son. Mwisho maneno yake na afya kipate kupotea. Hakuna kitu kia bei. Il n'y a pas quelque chose de très précieux. Ndani ya mtu kina kupata nafsi. Qui dépasse son âme. Nafsi yangu. Mon âme. Ataba na changa Congo, Amérique. Même si on mettait ensemble. Dunia yote. Tous les pays. Aina na uwezo kuuza kununua nafsi yangu. Ça ne peut même pas payer le prix de mon âme. Nafsi yako frère wangu. Ton âme mon bien-aimé. Nafsi yako dada. Ton âme à toi ma sœur. Aina na bei. N'a pas de prix. Frère banami kuna sema. Banami dit. Anasema dit, une âme. Nafsi tu moya. Faut plus que 10 000 morts. Inapita hata ma dunia ikumi. 10,000 kumi. Ah! Asa, nous savons combien de monde. Sasa tu na ma dunia ngapi? Chini moya bule. Il n'y a qu'un seul monde. C'est pour te dire que ton âme. Ni tu connais ça que c'est ma nafsi yako iko ya bei kubwa. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Regardez combien nous préoccupons de nos activités, Masomo, les champs, les études. À la fin de la course. Mwisho wa safari. Kama ukufike kushaba. Si tu n'as pas atteint le but. Hautafaidiki amu. Tu ne vas pas te réjouir de ça. Alléluia. Amen. Muntu wa shoko kolewa. Un homme qui n'est pas sauvé. Je ne vois même pas pourquoi il est venu dans ce monde. C'est un raté. Le monde tout à l'heure au bikotola. Eko raté. À ça au bikotola loi. Eko ça piraté. Le monde. Ana na bumu tout. Pourquoi? Dieu a nini. Tu peux avoir des véhicules. Nyumba, tu payes une maison. Mashamba, tu fais des champs. Tu peux scolariser les enfants en Europe. Yote bile biko bien. Tout ça, c'est bien. Na batoketu wenye bale tuko natuma kumbula. Et nos enfants que nous envoyons en Europe, à l'étranger. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Hein? Nous parents, nous sommes ici pour venir à l'église. Il faut que maintenant, si tu l'envoies loin de toi, là-bas, rassure-toi d'abord si ton enfant est déjà sauvé. Non, frère, ne dis pas qu'il n'a pas d'argent. Ok, ce n'est pas un problème. Mais ce que je t'ai dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes aujourd'hui, même au soir, tu vas en récolter. Que Dieu nous aide. La prière. C'est ici où le frère Branham dit, dans sa prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé. Christo, le paragraphe 83, il dit, ne restez pas à la maison. Il ne faut pas vous absenter de l'église pour si en rester Christ à la maison. Si Christ est dans votre cœur, vous aurez hâte pour aller à l'église et voir les portes de l'église. Bona milango ya kanisa ipate kufunguliwa. Entrer et communier avec vos frères et sœurs. Upate kuingia na kushiriki pamoja na ndugu wako na badadako. Si ce n'est pas comme ça que vous vous sentez. Kama ina njoo vile unasikiaka. Alors je vous assure. Wale sasa nakuhakikishia. Il est temps pour vous de vous mettre à genoux pour prier. Ingaliki uko njoo yako juu. Twange magoti na kumlilia Mungu. Kama mtoto anazalikwa. Dès que l'enfant naît. Ule mtoto shinyonye rijibo kwa mama yake. Cet enfant là n'arrive pas à téter. Ni mtoto wa kufa. Cet enfant là est destiné à la mort. Beaucoup sont déjà nés. Mais ce sont des morts nés. Lakini bado barisha zalikwa bakufwa. Bujima bwa Kristo abonekana. La vie de Christ ne se manifeste pas. Tu es né, c'est vrai. Ulizalikwa bya kweli. Mais mort. Lakini ulizalikwa wakufa. Tu as besoin que Dieu puisse souffler dans tes narines. Uko lazima Mungu apate kupumua mumpua yako. Pour que la vie de Christ. Ili uzima wa Kristo soit manifesté. Ionekanishwe. Parce que même le monde, dunia, il est en train de languir aujourd'hui. Il cherche la manifestation de véritables enfants de Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Eh, Mungu apate kutusaidia. Que Dieu nous vienne en aide. Eh, Mungu apate kuja na kutusaidia. Je peux sauter certaines choses si je mets de côté. Naweza kuacha bingine. Vous savez, mes frères, unajua bantu yangu, il y a la nature qui entre dans le cœur de celui qui est né de nouveau. Asili liko lingia ndani ya ule anazalikwa mara ya pili. Parmi cette nature, katikati ya ile asili, la première des natures divines, asili ya kwanza ya Mungu, qui entre dans le cœur de celui qui est expérimenté la nouvelle naissance, ya ule anaonja kuzalikwa kwa pili, c'est l'amour. Ni mapendo. Amen. Amen. Ce n'est pas l'amour de se donner le cœur. Ana mapendo kupatiana bitu. L'amour véritable, mapendo ya kweli, est celle d'aimer d'abord la parole de Dieu. Ile ya kupenda kwanza neno la Mungu. Celui qui aime Dieu, mwenye anampenda Mungu, aimera sa parole, atapenda neno lake. Celui qui aime Dieu, mwenye kumpenda Mungu, aimera les enfants de Dieu, atapenda watoto ya Mungu. Alléluia. Amen. Je voudrais vous lire ça pour terminer. Napenda msomea hii njoo kumaliza. Lettre circulaire numéro 50. Barua kuzunguka namba 50. Non, non, je vais encore lire ça. Apana, mita soma na hii. Komba Mungu aombe. Toi, tu ne pries pas Dieu. Una lofa kukanisa roho yako yangaiki. Tu t'absentes de l'église sans pour autant avoir de chagrin dans ton cœur. Una kwa mukanisa paka dimanche. Tu ne viens à l'église que le dimanche. Atutacha kusema. Nous n'allons pas arrêter. Mais ba Mungu na bo. Mais ceux qui sont de Dieu. Beko na shikia bile batumisha Mungu wanasema. Écoute ce que les serviteurs de Dieu disent. Komba Mungu. Priez Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui peut me lire? C'est vous qui m'aviez lu. Venez m'aider s'il vous plaît. Le sort de l'Antichrist. 11 mars 1955. Le paragraphe 64. Non, 62 plutôt. Ma commissaire en ville, Saman. Disait là-bas. 62. Ma commissaire en ville, écoutez. Paragraphe 62. Nous avons le temps pour toute autre chose. Tukuna wakati ya kufanya makazi yetu yote ingine. Mais pas pour les réunions de prière. Lakini yenye kuangalia mikusanyiko ya maombi, hatuna nasa. Les foyers sont complètement détruits. Et les filles et les garçons sont dehors à se promener. Panda shuka. Faisant les filles. Nous ne prions pas Dieu dans nos foyers. Nous devons accepter. Chacun de nous doit avoir honte. Si nous prions, les foyers qui chantent 2-3 cantiques et qui lisent la Bible, Dieu nous connaît très bien. Dieu nous connaît tous bien. Nous ne prions pas Dieu comme il se devait. Écoutez. Vous voyez, allez, faisant les fous partout dans le pays. Batoto banamuke na banawe nimbajimu pamajimu. Surtout mukizazi kia la Odyssée. Ils sont vraiment fous. Na kumasomo wewe. Même à l'école, toi dada, on te connaît. Ouna majipe mbili ya uniforme. Deux types d'uniforme. Moi, ouna toka na kunyumba sho kwa shiri. Tu portes en quittant l'église, en quittant la maison. Dès que tu arrives à l'école, tu changes. Tu prends une jupe courte. Ya kusere. Aba mucheka ke Mungu. On ne se moque pas de Dieu. Dès que tu sèmes, tu le moissonneras. Et quand tu seras enceinte par un creuseur, alors tu comprendras. Et les mères, comme les pères, sont indifférents. C'est qui? Naba baba, naba mama. Après, on va se tourner les mamans. Mubache frère. Laissez-les. Niba toto. Ce sont des enfants. Ambo. Muzuri. Qu'on les laisse parce qu'ils sont des enfants. Aussi longtemps qu'ils continuent à manger mon fou. Ma femme fait prépare à manger chez dans ma maison. Mini jupe aïe na fouashi. Tu ne peux pas porter une mini jupe. Est-ce que tu pas m'organiser? Est-ce qu'on est ensemble l'église? Oh ni muloko yangu. Oh non, c'est ma petite sœur. Yangu adam wa mama. C'est ma petite sœur biologique vraiment même mère même père. Une fille. Muloko yangu mwanamke. C'est ma jeune sœur. Ukuye kwangu na pantalon. En pantalon. Kama ngo nalifuata kwa internet. Sikiliria mwana ingine. En ligne. Ma petite sœur. Usikapime au taweza ta kunja. Jamais venir chez moi en pantalon. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Je suis sérieux avec ce que je dis. Ibi unasema nasema na moyo wangu wote. Non, ni watoto mwache. Ce sont des jeunes filles, il faut les laisser. Tuibache. Qu'on les laisse. Bible nasema kufundisha mtoto. Instruit ton enfant. Manjia ya Mungu wakati afungere mtoto. Le voie de Dieu. Kama nakomea. Quand il va grandir. Achita achake ile manjia. Il va abandonner les voies de Dieu. Baba na mama, aba shutuke. Père et mère, ils sont indifférents. Muna ya mambo ile kinalabisha mafamilia tu. Savez-vous aussi quelque autre chose qui détruit nos familles? Ma téléphone Android. Ce sont les téléphones Android. Unakuta baba na mama. Le père et la mère, c'est Joseph. Ça fait mal au père. Les époux sont là, 45 minutes. Et ils ne se parlent pas. L'un sourit sur son téléphone, l'autre aussi sourit sur son téléphone. Regarde. C'est quoi ça? Nous sommes très loin, nous devrions avoir honte tous. Tu payes un téléphone Android à ton enfant. Mais la Bible, tu ne payes pas pour lui. Les chaussures coûtent trop cher que la Bible. Et même la cravate coûte cher que la Bible. La paire de lunettes coûte cher que la Bible. Toi, tu es quel genre de chrétien? Ce sont des enfants. Moi, je ne peux pas te laisser tranquille. Je ne peux pas te laisser tranquille. Frère, les enfants, moi je ne digère pas ça. Une fille déjà 10 ans. Binti, miaka kumi. Tu arrives, tu fais porter les shorts. Ou bien Camille. Ou une jupette là. Ma dada, que Dieu t'aide. Buluma sana. Ça fait pitié. Tout ça, si nous voulons chanter dans l'église, c'est compliqué. C'est mieux que les enfants disent que j'ai papa. C'est qui t'aide pour que tu sois marié honorablement. Et je te laisse porter des pantalons chez moi. Regarde-moi ça. Vous avez suivi? Il y a quelque chose que tu peux faire. C'est toi-même qui auras honte jusqu'au jour où tu vas entrer dans la tombe. Moi, je ne peux pas écouter, même si mon père me le disait. Tu peux bouder comme tu veux, mais les oreilles ne peuvent pas dépasser la tête. Est-ce qu'on est ensemble? Des jours où tu vas tomber enceinte, ce n'est pas ta mère qui va mourir. C'est toi qui seras honteuse. Tu vas alors te repentir devant le mari qui va t'épouser. On t'a déjà épousé, oh non. As-tu déjà perdu ton mari? Mais tu l'as cru à l'école de dimanche. Pose-toi la question, comment c'est là que tu es arrivé à être divergé pendant que tu as commencé par l'école de dimanche? C'est la honte. On a ce qui? Ah. Il y a un. Et suivez-moi. Asema kumvunvu. Umvu ilaha muila ntanda mujulu. Ule monto ashishiki yake. Atani kizibu. Kama tu kilulu kina mungia mumpu atakushi. Atashikia. Sora ke un insect lui a entré par les narines. Munga tusaidie sana. Que Dieu nous aide. Et pourtant, ils sont des pentecôtistes. Ici, nous n'avons pas affaire aux pentecôtistes. Que Dieu nous aide. Munga tusaidi. Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est d'un hôtel familial à la maison. Alléluia. Amen. Retournons les hôtels dans nos maisons, dans nos foyers. S'il faut fermer les téléphones, fermez vos téléphones. Prenons Nyimbo za Okovu. Prenons Nyimbo za Mungu. Mettons ça sur la table. Prenons la Bible. Disons, que Dieu nous aide. Nous avons besoin de retourner l'hôtel dans nos foyers, dans nos maisons. Où on lit la Bible et où on enseigne aux enfants la parole du Dieu vivant. Alléluia. Oui, monsieur. Que Dieu nous aide. Frère. Donc, Android n'a quoi ni kiombo qui a shetani. Le téléphone Android devient maintenant un instrument du diable. Dieu a kuomba. Pour prier. Tu ne veux pas kuomba tant en famille. Mouri marquez moi bien. Même en famille, vous pouvez bien l'observer. Tu ne pas chaque chiquier haïa. Nous devrions avoir honte. Ma homme a été fait plus de 30 minutes. La prière ne peut même pas faire. Cantique, exhortation, prière, moins de 30 minutes. Mais quelqu'un Android. Les yeux sont rouges, les enfants ne dorment pas. Qu'est-ce que vous regardez sur vos téléphones? Et même à l'école, ils commencent à somnoler. Voilà pourquoi tu n'es pas intelligent. Que Dieu nous aide. Ici, nous n'avons pas besoin de baptiser les gens. Nous avons besoin que tous tels que nous sommes, à commencer par moi, ancien, nous tous, nous devrions rentrer à la croix. C'est dont l'église a besoin pour avoir le véritable réveil. Nous tous, nous devons retourner à la croix. Dès que nous retournons à la croix, Dieu fera de grandes choses parmi nous. La haine dans ton cœur. L'envie, la jalousie. Donc l'envie. L'envie. La haine. La haine. Et la jalousie. Nabouivou. C'est la marque qui montre que quelqu'un n'est pas né de l'eau. Ni alame kononesha kwamba huyu mtu azali kwa mara ya pili. Atana katala kuichika. Même si tu refusais d'accepter de dire amen. Mishi na mkubali banasema ko sema mbele amen. Moi je suis pas désolé. Non, dit amen. Kama muromo ko chuki. Si dans le cœur il y a la haine. Il y a la haine. Muko chuki. Il y a l'envie. Muko tama. Il y a la jalousie. Muko bwivu. C'est la semence de Caïn. Nimbeko ya Kaina. La semence de Dieu, mbeko ya Mungu, c'est l'amour, ni mapendo, c'est la paix, ni asa, c'est amani, la bonté, ni wema, c'est la bénignité, ni c'est la patience. Galates 5, alléluia. Asa uko charnel ou bien uko kimwili ou bien spirituel. Après, il y a un moment, non, si je n'ai pas compris. Oh, entre les 70e semaine et les 62e. Quand tu enseignes les 70 semaines de Daniel alors que tu voles encore au boulot, ça doit t'aider en quoi? Tu es têtu comme un clou. Que Dieu nous aide. Abraham dit, ces choses qui sont parmi nous, c'est parce que les gens ne sont pas nés de nouveau. Ok. Point 56, 57. L'adoption, 22 mai 1960. L'adoption, le 22 mai 1960, le soir, paragraphe 57, un homme qui est mort en Christ, vous pouvez le traiter même d'hypocrite. Vous pouvez le traiter de tous les noms. Même l'insulter. Il ne réagira pas. Quelqu'un qui est né de nous. Pas quelqu'un qui a le Saint-Esprit, mais celui qui est né de nouveau. Voyez. Sa réaction. Bila kurudisha. S'il en a une. Kama kwa kuna kufanya. Ce serait de se retirer dans un petit coin. Itakuwa tu kujikokota lwake. Et prier pour toi. Na kukombea. C'est exacte vérité. Ni kabisa kabisa ukweli. Mais. Lakini. Oh. Certains d'entre nous. Bamboja katikati yetu. Sont encore très vivants. Bengali kibajima. C'est à ça que je pense. Nous sommes censés ensevelir ceux qui sont morts. Nous sommes censés baptiser les hommes qui sont morts. Mais, lakini, il nous arrive trop souvent d'ensevelir les gens qui sont encore vivants. Trop de méchanceté dans le cœur. Trop de disputes. Mabishano, makokotano. Il y en a trop dans l'église. Beko akoba mingi mukanisa. C'est Branham qui le dit, c'est pas moi. Ni Branham anaise manami. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Wale wasio kuzali kwa mara ya pili. Il y en a beaucoup dans l'église. Beko akoba mingi mukanisa. Seulement nous. Baka tushie, lakini tushie. Nous ne pouvons pas faire le tri. Atuwezi kuchakula. Mais Dieu lui. Lakini Mungu yeye. Il peut faire le tri. Anawezi kuchakula. Allez lire à la maison. Moins de msome kunyumba. De Timothée chapitre 2. Timothée apili, sur apili. Verset 19. Mustara kuminatisa. Il dit, néanmoins les solides fondés par Dieu subsistent encore. Atavi, le msingi ya nguvu, ile Mungu alifanya, iko ako tena. Et ses paroles lui servent de sceau. Na hii msemo, kuna msaidia kwa muhuri. Le Seigneur. Bwana. Connaît ce qui lui appartient. Dans une grande maison. Munyumba mnene. Il n'y a pas seulement de vase d'or et d'argent. Amukareke paka vyombo vya zahabu na vya fedha. Il y a aussi le vase de terre. Muko vyombo tena vya bulongo. Et de bois. Na ya muchi. Les uns. Moya ii. Bamoja. Sont des vases de terre. Vyombo ya bulongo. Et les autres. Na ii ingine. Sont des vases vides. Vyombo tu bia bule. Abina bia kaji tu kabaila. Mais si quelqu'un. Lakini kama mutu. Se conserve pur. Anajichunga safi. En s'abstenant de ces choses. Il sera un vase d'honneur. Utile à son maître. Kia mafaa kwa bwana wake. Propre à toute bonne œuvre. Njua kutumikisha kukazi yote. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance. Vous allez comme à pili. La pensée est livrée. Wazo, tu n'as ileta. C'est à toi, mon frère, ni de te regarder. Wendu, kusasa, kujichunguze, kujangarishisha. C'est à toi, ma soeur, de te regarder. Ni kwako wedada, kujangarishisha. Dieu. Mungu. Il est prêt pour aider chacun. Iko tayari, nja kusaidia kila mmoja wetu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana, amibariki. Inclinons nos têtes. Tunamishe bichwa. Nous allons chanter. Tutaimba. Ma couplet mbili. Ma pendezi ya du. Et ensuite j'appelle l'ancien pour nous conduire. Nakisha naita mzenja kutunguza. Fanane, Olawe Yesu, Aoyomane, Aoko. Prions-nous tous, Dieu.